Monsieur le Président, voulez-vous prendre la musique haïtienne comme épouse? Mais oui, chère madame. Alors, le compas, le compas, le compas, le compas, le compas. C'est le ça tout le monde marié. C'est la fête au village. Tout le monde content, yon dans la joie. En Haïti c'est différent. Les dimanches pour ne pas marier. Qui dit qui donne yon dans la joie. Les invités sont à l'honneur. Bamako, Bamako, c'est le dimanche tout le monde marié. Bamako, Bamako, c'est juste ça tout le monde marié. Bamako, Bamako. Le dimanche à Bamako, c'est le ça tout le monde marié. C'est la fête au village, tout le monde content yo dans la joie. Dans notre pays yo différent, le dimanche tout le monde marié. Qui ding qui don y a balancé, les invités sont à l'honneur. Les Haïti, yo marié. Les samedis. Avant Macron, yo marié. Les dimanches.